Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 48. Des parties de la prudence en général. Partie intégrante. Partie subjective. Partie potentielle. 1. Est-il rationnel de distinguer dans la prudence trois sortes de parties? Il convient de distinguer dans la prudence trois parties, les parties intégrantes, les parties subjectives et les parties potentielles. On appelle parties intégrantes d'une vertu les conditions qui doivent nécessairement concourir à son acte parfait, c'est ainsi que les fondations, les murs et le toit entrent dans la construction d'un édifice. Pour la prudence, ce sont la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, la docilité, l'habileté, la prévoyance, la circonspection et la précaution. On appelle parties subjectives les différentes espèces dont une vertu se compose, ainsi le bœuf et le lion font partie du règne animal. Les parties subjectives de la prudence sont la prudence par laquelle on se régit soi-même, et celle par laquelle on dirige la multitude. Cette dernière se subdivise en plusieurs espèces, selon la société que l'on doit diriger. Il y a, dans l'armée, la prudence militaire, dans la maison, la prudence économique, dans l'État, la prudence gouvernementale chez les princes, et la prudence politique chez les sujets. On appelle parties potentielles les vertus adjointes qui, se rapportant à des actes ou à des matières secondaires, n'ont pas toute la puissance de la vertu principale. Dans la prudence, ce sont le bouli, ou le bon conseil, le discernement et le jugement. Note. Bouli. Ce mot se trouve dans le supplément du dictionnaire de l'Académie. Chez les anciens, on appelait ainsi la déesse des bons conseils. Ces diverses parties de prudence vont être expliquées dans les questions suivantes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.